Je crois qu'elle t'a cramé, tu changes ton copine. Normal, t'as douté de toi. Que tu la vois pas, que tu viens pour moi. Elle a besoin de toi. Tu vas la perdre. Quand tu brilles, alors moi je reste à la maison.